OSQ.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Le Centre Engramme vous invite à sa soirée Encan Bénéfice d'œuvres d'art qui aura lieu le 13 avril prochain. Pour la première fois de son histoire, Engramme a eu recours au service de l'historienne de l'art et commissaire indépendante Audrey Carreau, qui a retenu 38 œuvres. Venez découvrir sa sélection durant l'exposition du 5 au 12 avril dans l'espace de diffusion. L'Encan Bénéfice se déroulera aux ateliers du Réacteur, 731 rue Saint-Vallier, le 13 avril. Entrée gratuite et réjouissance assurée. Soir à l'aérospatial, Martin Golland à la galerie Michel Guimond avec Marie-Claire Tremblay, un entretien avec Carl Trahan et l'art de la chute avec Andréane Lesage. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Carreau avec vous pour cette édition du 11 avril et bien toujours à mes côtés, Jean-Tienne Lafrance. Bonsoir. Bonsoir, Audrey Carreau. Et on a également déjà en studio avec nous Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va super. Alors, on discutait avec notre successeur, Pierre Blais, en entrée de jeu, que ça passe vite, la saison, vraiment. Là, on en est à poids un petit peu plus d'un mois de la fin, vraiment, et c'est toujours aussi effervescent dans le milieu des arts visuels. Oui, c'est toujours un plaisir de co-animer cette émission avec toi, Audrey. Certainement. Donc, aujourd'hui, justement, Jean-Tienne, qu'est-ce qui nous attend en première partie d'émission? Ben, on va débuter l'émission avec Marie-Claire Tremblay, qui est allé visiter l'exposition Martin Golland chez Michel Guimond. Donc, Martin Golland, qui est un peintre qui présente ses dernières productions chez le galériste. Donc, je vais avoir l'occasion de m'entretenir avec Marie-Claire à propos de cette belle exposition assez, assez intéressante. Donc, les couleurs, les espaces ont été explorés par l'artiste. Ensuite, nous allons avoir au téléphone Carl Trahan, avec qui tu vas t'entretenir, Audrey Carreau, à propos de évidemment du prix en art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec et son exposition qui vient avec le prix, donc l'exposition « Parce qu'il y a la nuit » qui a débuté la semaine dernière. Et en deuxième partie d'émission, Andréane Lesage va venir se joindre à nous et vous êtes allés, Audrey Carreau et Andréane Lesage, voir l'art de la chute au Périscope. Oui, exactement. Donc, vous allez pouvoir nous en parler un peu. Là. Exact, exact. Il y a des sujets un peu chatouilleux, je pense, là, sur les arts qui sont abordés dans la pièce. C'est vraiment le marché de l'art qui est touché, la carrière de l'artiste. À vrai dire, on va le voir, c'est très, très large. Il y a vraiment plusieurs angles d'approche qu'on peut prendre cette pièce de théâtre-là. Donc, quand on a l'occasion de le faire, on le souligne ici à l'émission. Et évidemment, on va terminer l'émission avec l'agenda de la semaine, mais avant de débuter, Audrey, je pense que tu avais quelques mots à nous dire. Oui, bien sûr, parce que on a subi une perte dans le milieu des arts visuels la semaine dernière et j'aimerais rendre hommage à Pascal Champoux, qui est décédé de jeudi dernier, à vrai dire, un homme qui était connu dans le milieu des arts visuels, dont l'art était plus qu'une passion, mais était véritablement il avait un amour profond pour les arts, mais il était aussi intensément animé par le travail des artistes de Québec, du Québec et du Canada, pour qui il avait une grande admiration et une grande considération pour leur œuvre. C'était aussi un collectionneur qui voulait soutenir les artistes dans leur carrière et tenait ardemment à ce que leur travail soit mieux connu du public. Il avait notamment contribué à la galerie Estesio dans les années 90, début 2000 aussi. Et il était également aussi un partenaire de la Galerie 3. Il faisait partie du cercle des collectionneurs en art actuel, là où je l'ai d'ailleurs connu. Mm-hmm. Alors, j'aimerais souligner, bien sûr, son apport au milieu des arts visuels ici à Québec et offrir nos plus sincères condoléances à ses proches, bien sûr. Alors voilà, c'est fait. Oui, donc sur ces tristes notes, on va prendre une petite pause audio avec la sélection audio de Simon Roy cette semaine qui nous propose Romo. On va commencer par l'extrait de Sophisticated. De retour en onde à l'aérospatiale. Marie-Claire Tremblay, bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Tu es allée voir l'exposition de Martin Golland chez Michel Guimond. Et comment tu as trouvé ça, cette exposition-là, Marie-Claire? Assez intéressant, mm-hmm. En fait. Puis je t'en parlais tout à l'heure. Oui, on a fait du prix chronique juste avant l'émission. C'est ça, on a débriefé comme on dit. Mm-hmm. Mais écoutez, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la température d'aujourd'hui et des derniers jours, parce que quand on entre dans la galerie Michel Guimond, vraiment, on reçoit une couleur tout à fait très vive, lumineuse. Donc, ça fait vraiment un gros clash avec notre grisaille qu'on a ces temps-ci. Donc, ça a été ça d'emblée qui m'a vraiment marqué, en fait, oui, de l'exposition. Oui, des couleurs très printanières. On a vraiment des pastels, des rosés, des turquoises, des aquas. Oui. Puis quelque chose d'assez audacieux dans la juxtaposition. Tu sais, t'as nommé les couleurs pastels, parfois qui sont agencées avec des bruns, avec des orangés. Donc, vraiment des contrastes, là, assez forts. C'est un peu... c'est ça, c'est assez audacieux d'agencer des verts pommes avec des pêches, mettons. Oui, là. Oui, des couleurs très... pas facile à lier. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis, c'est une exposition, en fait, qui est principalement constituée de peintures à l'huile. Donc, ça, c'est quand même... Déjà, le médium à l'huile, c'est un médium assez particulier qui présente plusieurs défis. Donc, dans cette exposition-là, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y avait vraiment une grande maîtrise là, de ce médium-là, oui. De par le traitement des couleurs, la touche. Puis, ce qui m'a marqué aussi particulièrement, c'est les motifs... opposition entre un côté très angulaire, un côté très courbe aussi à la fois, des reliefs, mais aussi des aplats brossés. Oui, avec des zones aussi où il y a beaucoup de touches mélangées. Oui, ouais, on joue, c'est comme un jeu, on dirait que l'artiste aime jouer avec les opposés. À la fois, on a des volumes qui, c'est confus, on ne sait pas si c'est des volumes qui entrent ou qui sortent de la toile, pardon, et à la fois, il y a des zones où c'est vraiment la bidimensionnalité de la toile qui est affirmée, donc il y a un jeu comme ça très, très intéressant dans la perception quand on voit ces œuvres-là. Exact. Puis l'autre chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est ce brouillage, cette tension entre quelque chose de très entre des éléments figuratifs, parce qu'on reconnaît des éléments d'architecture, escaliers, bâtiments, tout ça. Mais quand on s'approche, ben on peut aussi être dans l'abstraction. Donc, c'est des œuvres assez ouvertes. Il y a des indices, donc, de figuration, mais il y a une liberté dans le traitement qui est parfois gestuel. Parfois, on a même des coulis dans le travail. Donc, c'est encore une fois opposition justement entre figuration, abstraction. Moi, j'avais envie de dire que c'était... j'ai à peine présenté Martin Golland, mais... Oui, peux-tu nous parler un peu de Martin Golland? Ben oui, tu sais, c'est un artiste français, en fait, né à Montpellier, mais qui a vécu dans différentes villes, en Turquie, à Puerto Rico, à Miami, à Toronto, et maintenant, il habite Ottawa. Il est d'ailleurs professeur de peinture à l'Université d'Ottawa. Il a fait sa scolarité en Ontario aussi, je crois. Oui, à Guelph, en Ontario. Voilà. Et, il a déjà présenté une exposition solo aussi à la galerie Michel Guimond. Donc, quand on va à la galerie Michel Guimond, on est capable de nous parler de son évolution dans son travail. Mm-hmm. On note, par exemple, que les œuvres qu'on voit ces jours-ci sont un petit peu plus spontanées, moins figuratives que ce qu'on a vu en 2013. Mais je reviens à cette idée-là que l'artiste a beaucoup voyagé dans plusieurs villes. On sent cet esprit-là urbain dans son travail. Oui, c'est vrai, c'est très urbain. Puis en même temps, on est près de la banlieue aussi, parce qu'il y a des espaces de nature, des éléments naturels, des arbres, des grands arbres, des éléments Les fameuses courbes, parfois on imagine bien la végétation, l'arbre effectivement qui se trouve dans les œuvres. La construction de l'espace est hallucinante et vraiment étonnante aussi. Oui. Tu l'as dit, j'insiste sur les différents points de fuite dans ce travail-là qui nous amène complètement ailleurs, qui sort de la vision du tableau classique. Donc, vraiment... une manière contemporaine d'envisager le paysage. J'avais envie de dire un genre de post-paysage urbain, donc quelque chose de... Tu sais, un travail, là, oui, ben chez l'artiste. J'en discutais, justement, quand je suis allée voir l'exposition. C'était Michel Guimond qui était là en personne. Et puis... comme ça, je me disais, ça me faisait penser aux cubistes, les découvertes des cubistes qui exploraient la peinture avec la façon dont notre corps, nos yeux sont en perçoivent la réalité de façon très très fragmentée. Mais là, ici, on est à une ère de l'internet où le type d'image auquel on est exposé est très très différent les uns des autres. Donc, on a une espèce d'amalgame de différentes images qui proviennent de différents horizons qui se retrouvent dans notre quotidien. Donc, ça me faisait penser un peu à ça. Oui, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui est très, très, très intéressant dans l'exposition, c'est qu'il y a deux petits croquis, même si c'est pas du dessin à proprement dit, qui nous révèlent beaucoup, beaucoup sur la façon dont l'artiste procède pour faire ses toiles. Exactement. Peux-tu nous en parler un peu? Ben oui, c'est deux petits collages qui sont installés sous plexi. Et on dirait que... À cause de ces collages-là, pour l'artiste, c'est des œuvres en soi, là, à part entière, comme la peinture. Mais on est capable quand même de savoir qu'il s'inspire de ces collages-là pour la peinture. Ce n'est pas littéral, c'est une inspiration plus lointaine. Mais quand on regarde ensuite la peinture à l'huile, on peut facilement y voir la logique un petit peu du collage. Donc, c'est comme si l'artiste nous révélait un genre de bribe de sa démarche créative. Ça nous donne accès à quelque chose de plus, j'ai trouvé. Oui, ben c'est ça. Mais on comprend aussi la superposition de ces différentes images qui sont assez hétérogènes. Je trouvais ça intéressant aussi parce qu'il y a un travail quasi sculptural aussi. Il y a toujours une figure fond dans ces œuvres. Hein. Oui. Donc, on a toujours les coins des peintures vont être plus abstraits, vont être plus clairs ou plus foncés. Donc, il va toujours y avoir une espèce de fond et des éléments agencés au centre de l'œuvre, comme une espèce d'amas ça fait plus figure, mais en même temps sculpture à cause de ces avancées, de ces reculs, de ces volumes qui sont... Tu parles des avancées et des reculs, puis oui, on a l'impression d'entrer aussi dans les tableaux. Moi, c'est particulièrement ce que j'ai aimé. aimé. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'espace urbain, la sculpture. Et là, j'ai eu du plaisir à regarder ce genre de tableau-là. D'ailleurs, hein, à la galerie Michel Guimond, bien sûr, c'est des œuvres qui sont en vente. Oui. Puis je m'imaginais ça, ce genre d'œuvre, dans un contexte personnel ou d'entreprise. C'est quelque chose qui... j'ai l'impression qu'on comme l'œuvre se dévoile pas rapidement, on peut la regarder très, très longtemps, découvrir d'autres choses. Oui. Donc, c'est assez intéressant d'avoir une œuvre de ce type-là chez soi, peut-être, ou oui. dans notre entreprise, tout Donc, ça. Donc, une exposition à voir et à revoir oui. Pour découvrir d'autres petits détails dans les œuvres de Martin Golland. C'est présenté à la Galerie Michel Guimond jusqu'au 23 avril. Donc, on a encore quelques jours pour aller voir cette très belle exposition. Merci beaucoup, Marie-Claire Tremblay. Bien, merci à toi, Gentiane. Alors, on va prendre une courte pause audio avec encore une fois... Romo et un extrait de la chanson Jealous. Poursuit l'émission, toujours en compagnie de Audrey Caro sur les ondes de CKRL. Et nous avons au téléphone l'artiste Cal Trahan qui, à vrai dire, a été le récipiendaire du prix, du deuxième prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec. Bonsoir, Carl. Oui, bonsoir. Alors, c'est vraiment tout un honneur qui vous est fait au musée, à vrai dire, une exposition personnelle, parce qu'il faut dire qu'avec ce prix vient à la fois une bourse de 10 000 $, l'acquisition d'œuvres aussi de votre corpus à la hauteur de 50 000 $ pour la collection du musée, une exposition solo et une publication monographique quand même. Oui, exact. C'est pas mal. Exact. Et dans le fond, il faut dire que moi, je suis allée voir l'exposition, on s'est croisés justement, et je dois dire que avec le petit recul que j'ai eu la dernière semaine pour absorber cette exposition, je dois dire que votre œuvre qui est présentée dans cette exposition est fortement d'actualité, justement, où on est dans une époque où le pouvoir et le poids des mots, de même que les notions d'identité, d'histoire, sont des enjeux vraiment très très présent ces temps-ci dans les sphères politiques, médiatiques et publiques. Donc, c'est vraiment fort intéressant pour aiguiser notre jugement de visiter votre exposition. Ouais. Et donc, peut-être commencer ici, dire que les questions de la langue, de la traduction, des écarts qui surviennent aussi lorsqu'on traduit hein, d'une langue à l'autre, c'est vraiment au cœur de votre travail depuis un bon moment déjà, depuis environ 2005, je pense. Oui, peut-être même un peu avant, ça a commencé, je dirais, de 2002. J'avais fait une expo sur l'interlangue, donc ce qui se situe entre deux langues, quand on apprend une langue, une deuxième langue. Donc, mais disons pour le corpus qui est exposé, en tout cas une partie du corpus qui est exposé au musée, ça date des premières pièces de 2005. À ce moment-là, je m'intéressais plus à justement la langue allemande, l'apprentissage de la langue, et puis le... disons, la traduction, le passage d'une langue à l'autre, dont surtout l'allemand et le français. Oui. Oui, parce que je pense que vous avez fait quelques résidences aussi qui ont été marquantes dans votre démarche artistique aussi en Europe, notamment en Allemagne, en Italie. Oui, ben en Allemagne, c'était en fait une... je suis parti de moi-même 6 mois en Allemagne, mais j'ai fait une petite résidence pendant ces 6 mois-là de quelques semaines à Neukölln, qui était un appartement dans une tour... d'habitation de Gropiusstadt, qui est une partie de Neukölln, où il y avait un appart qui était prêté à des artistes comme ça. Donc, oui, puis ensuite, j'étais à Paris aussi, puis à Rome, où j'ai travaillé dans l'expo, on voit du travail sur les liens entre les futuristes et le fascisme. Donc, c'est ça, j'ai développé ce travail-là à Rome, oui. Oui, et c'est particulièrement des périodes sombres, si on peut dire, de l'histoire. Là, vous venez d'évoquer le fascisme italien, le nazisme allemand. Je me demandais aussi pourquoi cet intérêt pour, en particulier pour la période de la modernité. Est-ce que c'est pour ces drames, les dérapages qui sont survenus, j'imagine aussi? Oui, ben disons que j'ai habité à 6 ans, à Berlin, 6-7 ans, à partir de 2007. J'ai visité Berlin à partir de 2002, où je suis retourné à chaque année, mais je suis vraiment déménagé là de 2007 à 2013. Et puis, bon, je m'intéressais, comme on disait, à la langue allemande, mais évidemment, à Berlin, bon, je pense que tout visiteur qui va à Berlin, on est assez frappé par toute la présence de l'histoire qu'on voit encore, toutes les différentes couches d'histoire du 20e siècle. J'ai commencé évidemment à vouloir comprendre bon qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que l'histoire allemande. J'ai voulu l'approfondir et j'ai décidé de l'introduire dans mon travail par la langue, mais aussi par la typographie, donc un peu comment le régime nazi a utilisé le langage et aussi des choix esthétiques, dont jusque dans la typographie. Et puis à ce moment-là, j'ai finalement un peu remonté le cours de l'histoire pour aller au début des mouvements totalitaires, donc beaucoup le fascisme italien, qui est un des mouvements qui a commencé toute cette vague de régimes totalitaires en Europe, pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui a amené à ces régimes-là, donc le fascisme et les liens avec le futurisme italien, parce que ça m'intéressait de voir comment on perçoit souvent des mouvements artistiques comme des mouvements progressifs ou de gauche, tandis que le mouvement futuriste est un peu plus complexe, était assez réactionnaire et était assez violent comme mouvement. Oui. Il prônait la guerre, l'entrée de l'Italie en guerre pour la guerre, ce qui était la Première Guerre mondiale. Donc, et puis finalement, j'ai remonté encore pour... en fait, on peut parler de 3 corpus. Un sur le régime nazi, ou sur les choix esthétiques et les choix linguistiques du régime nazi. Ensuite, avant, l'expo qui est venue après, mais je suis remonté dans le temps, fascisme et futurisme. Et puis ensuite, ma dernière exposition personnelle que j'ai faite en 2015, à Montréal, à Batate, là, je m'intéressais en fait à ce qui est venu un peu avant ça. Donc, l'ambiance qu'il y avait en Europe au 19e siècle à partir de la deuxième révolution industrielle, donc à peu près milieu 19e siècle, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Donc, toute cette espèce d'esprit où il y avait une espèce d'engouement pour les nouvelles technologies comme le chemin de fer, le télégraphe, l'électricité ou la distribution de l'électricité. Donc, on était excités par toutes ces nouvelles technologies-là, mais en même temps, on se disait, il y a quelque chose de sombre qui va arriver. Donc, il y avait différents mouvements. C'est une période assez complexe, assez contradictoire entre l'espèce d'effervescence et de crainte du futur. Oui. Un peu quelque chose qui peut se transposer très bien aujourd'hui aussi avec la rapidité de l'avancement technologique, je trouve. Moi, vraiment, ça, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé de voir autant dans votre travail comment ce propos peut être vraiment plus à saveur historique, mais qui encore aujourd'hui s'inscrit très, très bien dans le contexte actuel, justement. Oui. Ben oui, effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire entre espèce de crainte des nouvelles technologies qu'il y avait en même temps à l'époque. C'est certain que moi, c'est évident que quand on regarde ce travail-là, on fait des parallèles aujourd'hui. Moi, je les fais pas comme tel dans mon travail, mais je sais que bon, si je choisis de travailler avec certaines citations parce que je travaille beaucoup avec des mots. Oui. Des phrases, des mots qui sont pris dans l'histoire. Donc, c'est évident que si moi, je les choisis, c'est que, pour moi, elles résonnent. Je sens que c'est pertinent de les ressortir pour aujourd'hui. Mais le lien n'est pas direct, mais est inévitable. Ouais. Oui, et puis c'est ça, il faut dire aussi que, vous le dites là, il y a la question de la langue, il y a plusieurs couches aussi de signification au travers de ces œuvres-là, différents niveaux de lecture, d'appréciation à la fois sur la langue, sur l'histoire et toute cette transposition-là aussi dans le domaine de l'esthétique aussi, parce que il y a des mots qui sont sur plusieurs de ces œuvres-là, parfois des mots en allemand qu'on pour ceux qui ne parlent pas l'allemand peuvent rester un peu nébuleux, mais on sent quand même le poids qu'ils peuvent y avoir. On sent qu'il y a un intérêt aussi à les présenter visuellement, justement, qu'ils ne soient pas juste une série de mots comme ça, mais qu'ils ont été réfléchis, disposés aussi. Je pense notamment à ces fabuleux dessins où les lettres se superposent les unes par-dessus les autres, créant une certaine opacité hein, de la matière, là, le noir, là, très, très opaque, avec cette espèce de... Je l'évoquais à Bernard Lamache, cette espèce de flou, de sfumato qui était autour de ces lettres-là. On ne comprend pas nécessairement de quel mot il s'agit, mais on sent la force du mot qui se cache derrière aussi. Là. Mm-hmm. Oui, ben pour cette série-là, c'est une série de 7 dessins. Il y en a 6 exposés au musée parce qu'il y en a un qui est à l'étranger, donc il n'a pas été inclus dans l'expo. Mais j'ai choisi 7 mots parmi le vocabulaire des nationaux-socialistes que moi je considérais les plus dérangeants. Et puis j'ai mis chaque mot, les lettres sont superposées comme vous expliquiez. Et puis pour moi, cette espèce ça devient une forme noire très opaque, oui, puis avec comme une espèce de salissement, disons, qui vient à force de dessiner, mais qui crée des sfumato, comme vous le dites bien. C'est pour moi, effectivement, ces mots sont écrits dans la police fracture, qui était l'ancienne police d'écriture d'imprimerie. Donc, je pense qu'on peut faire, beaucoup de gens appellent ça l'écriture gothique, mais c'est fracture, en fait. Et ça crée effectivement une ambiance assez sombre. Mm-hmm. Et pour moi, cette espèce d'illisibilité-là, c'était pour parler aussi de plusieurs choses, mais entre autres du tabou qu'on a sur ces mots-là. Si on prononce ces mots-là en Allemagne, maintenant, les gens ont tous une réaction comme... ce sont des mots effrayants, effectivement, mais il y a une espèce de tabou sur certains mots mm-hmm. dans le vocabulaire allemand à cause de cette période. Oui, nazi. Oui. Et puis, peut-être juste un mot très rapide sur, parce que l'exposition est un peu comme en deux temps, si je peux dire. D'un côté, on a le rapport avec l'Allemagne, de l'autre côté, avec l'Italie. Et ouais. Peut-être aussi dire, moi, ce qui m'a marqué aussi du côté plus lorsque vous abordiez la question du futurisme, notamment ces néons qui sont dans l'espace, là, sur le mur, qui sont très voyants à la fois, qui rappellent la fonction du néon, hein, qui peut être à la fois promotion, mais aussi propagande. Et on a aussi, dans une toute petite salle, ces néons qui parlent d'un poème, bien sûr, d'une artiste, à vrai dire, d'une poète italienne, qui est une œuvre toute récente, à vrai dire, hein, aussi, que vous venez juste d'achever. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fois, dans ces deux œuvres en néon, on a des contrastes très, très marqués, notamment le côté tapageur de ces phrases du futurisme là, qui clignote de façon vraiment très, très agressante, je dirais, même sur le plan visuel, mais aussi sonore. En même temps, on entend le bzz, bzz, bzz constamment. Ouais. Alors que quand on va dans la petite salle où le poème de cette artiste, Mariana Mazza, est présenté, ben là, on est vraiment dans toute autre chose. Là, on est plus dans une luminosité quasi envoûtante. C'est assez intéressant comment vous utilisez cette matière-là entre ces deux œuvres, qu'on peut être à deux opposés. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus intimiste, le poème, La Petite Salle, parce que c'est aussi deux textes qui sont des deux futuristes, mais dans des périodes très différentes. C'est-à-dire que les manifestes futuristes, c'est début des années 10 et début des années 20. J'ai pris les mots de deux différents manifestes. Tandis que le poème de Anna Maria Mazza, c'est de 1936 ou 37. Plus exactement. Donc, c'est la fin du mouvement futuriste et aussi, j'imagine que l'ambiance en Italie devait être très différente. Et c'est aussi des poèmes intimistes, tandis que les autres, c'est vraiment des manifestes agressifs et qui est assez arrogant aussi. Tandis que l'autre, c'est vraiment beaucoup plus intime. Mais que cette fascination-là, même dans son poème pour l'électricité, la lampe, toutes les mêmes, un peu les icônes de l'art futuriste aussi. Oui. Ouais. Eh bien, en tout cas, je vais rappeler aux auditeurs aussi que ce qui était intéressant, c'est que dans ces 17 œuvres qui sont présentées dans la salle, 14 ont été acquises par le musée, justement, pour sa collection permanente. Donc, ça doit rendre heureux, j'imagine, aussi. Ben, oui, forcément, c'est très flatteur aussi. Et puis, c'est bien de savoir que les œuvres vont être bien entretenues. Oui, que vont pouvoir être accessibles aussi. Pendant longtemps à différents publics. Oui. Exact. Eh bien, Carl Dran, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu nous accorder cette entrevue et j'invite vraiment tous les auditeurs à aller voir cette exposition qui est franchement fort intéressante. Prenez le temps d'aller voir et qui porte aussi un très beau titre. Je n'ai même pas le temps d'en discuter avec vous, mais que je trouve très, très poétique et évocateur, là, qui s'intitule « Parce qu'il y a la nuit ». Quand on voit l'exposition, on comprend vraiment très bien ce titre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on s'en va en pause publicitaire et on revient avec Andréanne Lesage de l'autre côté. Vous écoutez CKRL 89.1. Le Centre Engramme vous invite à sa soirée en camp bénéfice d'œuvres d'art qui aura lieu le 13 avril prochain. Pour la première fois de son histoire, Engramme a eu recours au service de l'historienne de l'art et commissaire indépendante Audrey Carreau, qui a retenu 38 œuvres. Venez découvrir sa sélection durant l'exposition du 5 au 12 avril dans l'espace de diffusion. L'Encan Bénéfice se déroulera aux ateliers du Réacteur, 731 rue Saint-Vallier, le 13 avril. Entrée gratuite et réjouissance assurée. Particules sonores. Fragments du bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. On entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale et nous sommes en compagnie de Andréanne Lesage. Bonsoir, Andréanne. Bonsoir. Alors, nous sommes allés voir, toi et moi, la semaine dernière, la pièce de théâtre « L'art de la chute » au Périscope. Comme on dit, on essaie de temps à autre d'allier différents domaines aussi aux arts visuels. Quand ça touche aux arts visuels, c'est intéressant de pouvoir aller explorer d'autres médiums. Oui, exact. Et puis, c'est le fun aussi de voir comment d'autres milieux posent leur regard sur le milieu de l'art aussi en même temps. Donc, ça nous permet de réfléchir autrement les choses. Et bon, voilà une pièce qu'on doit dire assez touffue. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur... Oui. déjà là, c'est un bon 2 heures et quelques, là. 2h30. 2h30 presque de contenu. Parce que c'est, oui, contenu, effectivement, parce qu'on... Il y a un contenu très didactique au début de la pièce. Mais bon, enfin, peut-être introduire cette pièce, justement. Oui. Qu'est-ce que c'est l'art de la chute? Oui, ben en fait, c'est une pièce qui parle de finances et d'art contemporain autour de la spéculation, évidemment, qui rejoint les deux domaines. Des sujets donc un peu arides, disons, surtout pour un public non initié. Mmh. Souvent, en tout cas, à ma connaissance, on n'est pas féru et d'économie et d'art contemporain en général. Donc, moi, j'ai beaucoup appris du côté des sujets nichés. Oui. Et c'est une pièce, en fait, qui part d'une anecdote assez intéressante, qui est la crise économique de 2008, mm-hmm. et du fait que à peu près aux mêmes dates, donc le même 48 heures environ, il y a une banque importante qui a fait faillite en Angleterre. Lehman Brothers. Exactement. exactement. Et qu'il y a Damien Hirst, l'artiste très, très coté là, en art actuel, en fait, qui a fait une vente aux enchères et qui a vendu pour, au même moment, en fait, pour environ 212 millions de dollars. Donc, c'est dans le fond pour montrer un peu justement l'écart là, qu'il y a eu, le clash, en fait, de cette anecdote-là est à l'origine d'une réflexion sur la spéculation en art contemporain et comment l'économie, finalement, dirige nos vies et s'immisce même jusque dans le monde de l'art, finalement, oui, oui. Aujourd'hui. Et puis, c'est ça qu'on disait, c'est une pièce qui touche à vraiment beaucoup de choses. Autant on a, oui, on a une jeune artiste, finalement, c'est l'histoire d'Alice, une artiste québécoise qui gagne une résidence à Londres, dans le fond, qui va à la résidence du Québec à Londres, et c'est de là qu'un peu part tout ça, mais à la fois, on suit son parcours, on suit un parcours plus grand sur, oui, la crise de 2008, comment tout ça s'est opéré, parce qu'elle a une amie qui, à vrai dire, elle est une sorte de courtière, si on peut dire, ou enfin travaille pour Lehman Brothers. Bref, elle se rencontre et c'est là que découle, une perd son emploi, l'autre va faire une rencontre aussi quand même surprenante. Oui, déterminante. Imprévue, déterminante aussi. Pour sa oui. carrière aussi. Exact. Avec un financier, donc un trader de... donc qui, The Wall Street. De Wall Street, qui est présent justement à la vente aux enchères de Damien Hirst, qui va acheter bon une de ses pièces majeures. Ça, c'est un détail assez intéressant pour les gens qui connaissent la production de l'artiste. Oui. C'est des vrais titres d'œuvre. Évidemment, c'est basé sur des faits. Ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Il y a une très, très grande recherche documentaire, très bien faite, très étoffée aussi à la base de cette pièce-là. Donc, tout est documenté et ça rime à des faits réels. Vérifier tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une rencontre un peu, finalement, c'est le trader et l'artiste qui développent une relation amoureuse. On ne sait pas trop où ça s'en va pendant un certain temps là, de la pièce. Ça nous garde un peu en haleine, d'ailleurs, cette histoire-là. C'est finalement un revirement de situation parce qu'on a un peu le dilemme qui est présenté, qui est peut-être, je pense, le propos le plus intéressant, finalement, dans la pièce. La jeune artiste finalement qui rencontre cet homme-là qui a fait une très grande passe d'argent avec la crise de 2008. Donc ça aussi c'est un élément important parce qu'il passe un peu pour le méchant du point de vue de l'artiste qui a une conscience, qui se dit ben est-ce que c'est éthique finalement de faire de l'argent alors que des gens ont tout perdu et d'être heureux tu sais finalement de ça. Lui bon va argumenter qu'il a gagné cet argent-là de façon tout à fait légal. C'est ça, ce qui il a vrai. Pris un risque exactement. Et tout, mais voilà, oui. Il y a ça, puis ce que, comment dire, j'aurais tellement de choses à aborder, parce qu'à la fois, on aborde dans cette pièce-là l'art comme valeur marchande. On parle de spéculation aussi, autant avec la spéculation autour des valeurs mobilières qui ont mené à la crise de 2008, mais aussi comment l'art aussi est un milieu qui peut devenir aussi de spéculation, exactement, oui. Justement avec un Damien Hirst aussi, parce qu'on voit la vente aux enchères, enfin il y a comme en quelque sorte une recréation, si on veut, de la vente aux enchères et tout, et on voit que c'est un jeu aussi, puis que beaucoup de gens ont des intérêts financiers aussi là-dedans, donc l'art est en même temps vu comme un investissement aussi, beaucoup, parce que si l'artiste c'est un pari qu'il a fait des millionnaires en 2008 en faisant ça, en mettant disponible toutes ses œuvres là comme ça, ben soit ça allait totalement cracher, excusez-moi l'expression, mais où ça, si ça passe ou ça casse, là, littéralement. Il y a ça, il y a l'effet aussi de star, hein, comment on cherche aussi à se doter de star, chaque milieu a ses vedettes, en quelque sorte. Il y a les effets de mode, il y a les conditions, on parle des conditions de vie précaires de certains artistes versus d'autres qui vont faire des rapports avec, vont faire de leur carrière une entreprise. Il y a aussi la question de la liberté artistique. Enfin, j'en passe là. mais c'est ça, c'est peut-être on pourrait y aller plus librement. Toi, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Oui. Peut-être des plus, des moins, de les forces, oui, et faiblesses de peut-être. Oui, mais c'est drôle que tu dises ça, pièce. Je m'étais fait une liste parce que étant donné qu'il y a énormément de choses, il fallait démêler le tout. Oui. Tout d'abord, ben justement des sujets qui sont très arides au départ, très bien vulgarisés, très bien amenés pour un grand public, ce qui est quand même très. Ben, en fait, moi, ça m'a quand même surpris de tout comprendre comme ça. Et malgré la longueur de la pièce, il y avait une belle un beau dynamisme dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs aussi. J'ai particulièrement aimé qu'ils changent de langue, puisqu'on est beaucoup à Londres, à New York. Bon, il y a des bouts en anglais qui sont toujours sous-titrés aussi sur des écrans, oui, donc qui ne nuisaient pas à la compréhension là, des spectateurs, peu importe leur familiarité avec les langues, mais qui nous mettaient un peu plus dans l'ambiance, justement, et qui venaient rythmer un peu la pièce. Oui. Donc ça, j'ai bien aimé. De là, peut-être aussi le fait qu'on parle la pièce, on a plein d'anglicismes qui nous viennent parce que, justement, oui, il y avait beaucoup de termes qui étaient inchangés du fait qu'on reprenait vraiment le vocabulaire le financier de Londres, de New York, tout ça. Oui. C'est une histoire qui est très bien ficelée. Il y a quand même une fin assez punchée, c'est-à-dire un revirement de situation qu'on va pas, justement, trop venir. Par contre, ben, j'ai trouvé quand même, malgré le dynamisme et tout, que c'était un peu long. Surtout la première partie, là, où on prend vraiment le temps de bien nous expliquer la crise de 2008. Peut-être que ça aurait pu être raccourci pour laisser plus de temps à la deuxième partie, qui, selon moi, était beaucoup plus forte. Et qui était plus sur le milieu des arts en quelque sorte. C'est sûr qu'on était sensible à ça, effectivement. Exactement. Mais justement, je me demande, c'était assez ambitieux comme projet. Je trouve que c'était pratiquement comme s'il y avait deux pièces en une. C'était important de comprendre le milieu en même temps de la finance pour comprendre le propos derrière la partie plus artistique, sauf que peut-être que ça n'aurait pas nui nécessairement d'en savoir moins. Peut-être ils l'ont testé et que ça n'a pas fonctionné, là. Ça, je sais pas, mais c'est mon impression. J'ai pas été une très grande fan de l'histoire d'amour. Je sais pas, toi, si tu l'as trouvé crédible. C'est sûr que c'est un peu tiré par les cheveux, dans le sens qu'on est dans des situations extrêmes, mais je sais pas, ça m'a un peu... peut-être dans la façon, tout simplement, dont c'était joué aussi, oui, ça m'a moins rejoint. Puis moi je dois dire, je trouve ça le fun qu'on démystifie, si on peut dire ça. Ça, c'était quand même un pari d'arriver à être clair, comme tu le soulignais, tu sais, par rapport à tout ça, parce que je me rappelle aussi, ça m'évoquait bien sûr le film de Big Short, justement, qui est sur cette fameuse crise boursière, comment certains s'en sont sortis vainqueurs alors que d'autres ont tout perdu. Il y a ces notions-là que dans le film, j'avais pas nécessairement réussi à bien saisir, alors que là, c'était clair, c'était bien expliqué, malgré tout le jargon un peu spécialisé. Je dois dire, ce qui m'a le plus chicoté, parce que j'ai trouvé ça intéressant qu'on mette ça de l'avant comme sujet, mais ce qui m'a chicoté, c'est encore qu'on approche les arts visuel selon la valeur marchande. Parce que si on regarde dans les médias, qu'est-ce qui fait la une des journaux? Un Picasso qui s'est vendu 145 millions, tel autre tableau qui a été vendu tel au prix, alors que l'art, c'est pas mal plus qu'une valeur marchande. C'est juste ça qui me chicote, parce que les gens qui vont aller au théâtre connaissent peut-être ou pas du tout le milieu des arts visuels, mais c'est qu'encore une fois, on met art et valeur marchande ensemble, alors que l'art, c'est beaucoup plus qu'un simple signe de dollar. Et si on regarde dans un peu les intentions des auteurs ici, le metteur en scène disait: nous avons bâti le spectacle comme un portrait du monde de la finance et du marché de l'art contemporain. Nous avons exploré ce qui détermine la valeur des choses. Mais la valeur des choses n'est pas que monétaire, tant qu'à moi, qui est une passionnée des arts. Et puis, je veux dire, on regarde nos musées. Un musée ne fait pas un achat parce que, ah, ben, l'artiste est in, il y a une haute cote de valeur, donc vite, on achète. Quand je parlais d'effet de mode, il y a ça aussi, l'effet de vedette également aussi. Ça, c'est... Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, parce que pour moi, une œuvre d'art, c'est... avant tout le discours qu'elle peut renfermer, ça peut être l'impact émotionnel qu'elle va gérer sur nous, esthétique, conceptuel, avant de savoir ben, que ça vaut tant d'argent, bon ben ok, je vais investir, ben, c'est ça, ça reste l'art, un investissement beaucoup. Ça a été une de mes plus grandes déceptions aussi, parce que c'est effleuré au moment où mais pas sous cet angle-là nécessairement. Mm-hmm. C'est-à-dire que la jeune artiste québécoise donc qui rencontre le trader, elle, c'est plutôt au niveau de bon, par la suite, elle va avoir une super idée d'une exposition qui pourra peut-être en reparler plus en détail mm-hmm. tout à l'heure, mais elle va donc finalement devenir célèbre soudainement, et à ce moment-là, elle va être confrontée au choix justement de faire de sa carrière une entreprise ou de garder sa liberté de création et son indépendance. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas, ben pour moi, c'était très très intéressant. C'était peut-être pas assez amené, c'est assez court. Mais c'est parce que on était dans le raccourci, là, littéralement. Donc du jour au lendemain, elle fait une exposition, il y a personne au vernissage, puis oui. Pouf, parce que il y a un scandale. Il y a un scandale et là, ouais. Pouf, tout le monde s'intéresse à son travail et puis là, de fil en aiguille, ça va très rapidement. Elle devient une artiste internationale, elle gagne le prix Turner, elle est collectionnée par les plus grands collectionneurs. Enfin bref, c'est un petit peu comme on dit un peu tiré par les cheveux comme on disait tout à l'heure. Bon, peut-être que ça se peut en même temps, mais c'est juste que il y a ça qui ça, m'a qui m'a, ouais. Ça a peut-être pas été assez dit dans la documentation autour de l'exposition, mm-hmm. que c'est seulement justement l'angle financier. Ben, c'est dit en même temps, mais que c'est le marché de l'art contemporain. C'est ça qu'on explore. Dans l'élite mm-hmm. aussi. Dans l'élite, il y a ça aussi parce que voilà. C'est ça, parce que faut dire que les collectionneurs dont on parle, c'est des collectionneurs qui ont des gros sous là ici là, tu sais, des œuvres à plusieurs millions de dollars, des gens aussi qui ont tout intérêt à ce que cet artiste là aussi continue que sa valeur marchande soit toujours de plus en plus élevée. Et puis, c'est vrai. Ça, on peut pas le dénigrer. Les grands artistes internationaux, c'est comme ça. Il y a des gens, des collectionneurs qui croient quand même à leur travail, j'ose espérer, mais qui ont cet intérêt-là à ce que la valeur des œuvres soit toujours bonne et qu'elles croient avec le temps pour que la valeur de leur collection monte. Mais si on regarde le collectionneur, le commun des mortels, tu as quelques œuvres d'art chez vous, j'en ai chez moi. Avant tout, on achète de l'art parce que c'est une œuvre qui nous a touchés, c'est une œuvre avec laquelle on a envie de passer du temps. Les collectionneurs dont on aborde aussi là-dedans, qui sont de vrais collectionneurs aussi, ces œuvres-là finissent dans des entrepôts. C'est sûr que ça met au jour cette réalité-là qui, comme on le dit, qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas non plus que cette simple réalité-là, il y a beaucoup d'autres choses. Qui est somme toute assez restreinte dans l'ensemble du marché de l'art contemporain. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est vraiment justement juste une petite fraction de gens qui ont ces moyens-là, une petite fraction d'artistes qui vont atteindre ces prix-là marché. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu extrême, les exemples qu'on nous présente. Même chose pour la carrière de la jeune artiste québécoise. Quelqu'un qui part de zéro à star internationale, en plus en si peu de temps, mais bon, oui. En même temps, je pense qu'il y avait une petite touche d'humour que j'ai senti, du moins dans quelques clins d'œil, dans la mise en scène un peu et tout, que moi ça m'a fait sourire parce que justement on y utilisait ces clichés là qui, par contre, effectivement, quand on est dans le milieu, on trouve ça un peu dangereux parce qu'on se dit, c'est jamais l'autre facette qui est présentée. C'est toujours celle-là, c'est celle-là qui est glamour, c'est celle-là qu'on présente dans les médias. Donc, oui, c'est intéressant d'aller montrer les petits défauts de ce milieu-là, mais en même temps, ça laisse de côté une partie très, très importante du marché de l'art puis de la création artistique contemporaine, c'est certain. Exactement. Puis quand on regarde, par exemple, si on transpose dans notre milieu ici à Québec, je pense notamment, par exemple, avec la relation artiste-galeriste qui, là, finalement, est le galeriste a quasiment aussi tout intérêt comme le collectionneur, à ce que la valeur de l'artiste aussi reste grande également. Enfin, je me dis, je connais des galeristes ici à Québec. Pensons à Michel Guimond, dont on a parlé tout à l'heure, ou bien aux gens de chez Lacerte ou de chez la Galerie 3. Il reste que quand même, oui, ils veulent que leurs artistes vendent, mais souvent, il y a une belle relation, une certaine complicité parfois qui s'établit entre l'artiste, son galeriste, alors que là, on est vraiment l'artiste, c'est quasiment quand elle signe le papier avec la galerie, c'est quasiment son arrêt de mort, que, si on peut dire, sa perte, son emprisonnement qu'elle vienne de signer en quelque sorte. Oui, ben, là, mais, beaucoup d'intervenants du milieu et de la finance et du milieu de l'art sont démonisés un peu dans la pièce. Donc, c'est la critique qui voulait être présentée. Il y a ça, puis encore là, si stéréotypes, si clichés il y a, c'est parce qu'il y en a pour vrai aussi. Il y a ça, c'est que son pendant dans la réalité est tout à fait là. Mais ça reste quand même une pièce qui est très intéressante, qui est à voir aussi, vraiment. Mais c'est sûr que peut-être sous notre œil plus artistique, il y a cet élément-là, moi, je pense qui m'a le plus chicoté, si je peux dire, pendant la soirée. Oui, le manque de poésie, peut-être, on aurait souhaité que ça finisse peut-être avec un peu plus, justement, de profondeur, surtout au niveau de l'art puis de l'appréciation globale de ça. Mais en même temps, ce n'était pas nécessairement, je pense, l'objectif premier. C'est ça. Mais quand même, on vous révèle pas la fin. Mais quand même, un petit clin d'œil un peu plus humain qui sur lequel se termine cette pièce-là, on pourrait le dire comme ça, et qui montre quand même cet aspect qu'il faut pas nier, aussi l'aspect humain dans tout ça, dans toute cette valeur, cet argent, ce monstre un peu qui est Wall Street et le marché de l'art contemporain. Bien, Andréane Lesage, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On rappelle aux gens, vous pouvez voir la pièce au Périscope jusqu'au 22 avril prochain. Alors, on va aller faire une pause musicale avant de vous revenir avec l'agenda de la semaine. Alors, Jean-Tierne, on va terminer cette émission comme à l'habitude avec l'agenda de la semaine. Quelques événements à souligner, bien sûr. Oui, bien, il y a du côté du Cégep Sainte-Foy, espace parenthèse, dès aujourd'hui, on peut voir l'exposition du collectif Caravane Bling Bling, donc un collectif composé de Mathieu Fecteau et Lauriane Thibodeau qui ont invité 9 autres artistes à exposer avec eux à espace parenthèse. Le vernis vernissage n'est pas cette semaine, il est un peu plus tard. On va y revenir dans une prochaine émission. Mais si vous avez le goût de voir ce collectif-là qui semble nous avoir préparé une exposition, ma foi, assez colorée, printanière, juste d'après le nom du collectif, on le devine. Également, à partir de demain, et ce jusqu'au 16 avril, ça va être les projections du FIFA. Oui. 2017. Festival international de films sur l'art. Et c'est exact. Donc, au Musée national des beaux-arts, donc, qui présente, je crois, une sélection de ce qui est présenté au FIFA Montréal. C'est oui, ça? C'est ouais. Ça. Quelques films qui se sont démarqués. Et moi, je vous invite à y aller. C'est quelque chose qui passe souvent sous le radar, mais c'est vraiment un événement, à vrai dire, des documentaires ou des films sur les artistes. Notamment, il y a un film sur Jean-Pierre Morin, ici, de Québec. Mm-hmm. Qui a été fait par Suzanne Guy. Très beau film dont j'ai vu la bande-annonce, là, qui a l'air assez intéressant, mais sinon aussi qui touche à différents aspects du milieu des arts, que ce soit, oui, les arts visuels, mais aussi on peut parler de la danse ou autre. Donc voilà, c'est vraiment à ne pas manquer des très belles perles qu'on n'a pas toujours l'opportunité de voir oui, par la c'est suite. Oui, souvent, c'est des exclusivités, donc, donc ça vaut la peine de fouiller un peu puis d'aller voir ce qui se passe du côté du Musée national des beaux-arts pour le Festival international du film sur l'art. Également, jeudi, il va y avoir vernissage à la Galerie des arts visuels à l'École d'art. Donc, David Naylor qui présente l'exposition Things in a Space. Donc, dès 16h30, il va y avoir une rencontre avec l'artiste et ça va être suivi d'un vernissage à 17h. Et en même temps, donc, du côté du réacteur, ça va être l'encart bénéfice d'Engram, Audrey? Oui, bien sûr, on va vous attendre. Je vais avoir le plaisir de vous voir si vous pointez là-bas parce que vraiment, ça va être le fun. J'ai hâte de voir si la sélection que j'ai faite va prouver preneur, ça c'est sûr. Oui, oui. Très, oui. Très belles œuvres. Avec ton goût pour l'art, il va sûrement y avoir des coups de cœur partagés avec certaines personnes qui vont pouvoir miser sur les œuvres, donc entre 17h et 20h aux ateliers du réacteur. Donc, les œuvres sont en exposition en ce moment chez Engram jusqu'à demain. Donc, on peut aller visiter jusqu'à demain et ensuite, elles se transportent du côté du réacteur pour avoir plus de place pour accueillir. Samedi, il va y avoir une activité pop-up à l'œil de poisson, donc une activité de médiation dans le cadre des expositions de Richard Ibgui et Marie-Lou Lemons et de l'exposition d'Esther Kempf. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site du Centre d'artistes. Je crois qu'il faut réserver d'ici jeudi pour pouvoir participer à cette activité-là qui est de 10h à midi. Et également, samedi soir, ça va être le finissage de l'exposition Le Double d'Alexis Bellavance qu'on a passé en entrevue ici à l'émission. Donc, il va y avoir une performance d'Alexis Bellavance et une performance sonore de Frédéric Aquaviva et Laurie Lixenberg. Donc, ça va être à partir de 8h au lieu. C'est ainsi que s'achève notre émission du 4 avril de l'aérospatiale, pardon, du 11 avril. Oui. Donc, on vous remercie. On vous invite avant tout aussi à aller sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com ou à nous suivre sur Facebook ou Instagram. On remercie Carl Tran, bien sûr, notre invité de la semaine, mais également nos chroniqueuses Marie-Claire Tremblay et Andréanne Lesage. Jacques Gignac, notre René Magritte de la mise en onde, merci beaucoup d'être là. Et on vous invite à ne pas manquer notre émission cousine, l'accroche-oreille, qui a lieu tous les dimanches à 21h sur les ondes de CKRL. Cette semaine, Gaétan Gosselin va vous offrir une compilation d'œuvres sonores concoctées par des artistes et musiciens de la nouvelle vague sonore chinoise. Mm-hmm. Ça promet. Alors, voilà. On laisse la place à Pierre Blais et son équipe pour l'émission Situation critique. Gentiane La France, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Audrey Caro. Passe une belle semaine. Oui, bonne semaine à tous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. We'll be right back.